ça m'enlève l'âne. Le mic des mains, ça devient une arme, c'est avec elle que je me déchaîne. ADN, man, on brise nos chaînes. Donne à 100%, y'a rien qui traîne. Faut que je rappe, tu sais, man, sur une scène, c'est pas compliqué, ça m'enlève l'âne. Le mic des mains, ça devient une arme, c'est avec elle que je me déchaîne. ADN, man, on brise nos chaînes. Rien à foutre des contraintes, au mic, on laisse nos empreintes. Pas question que je freine, gaz au fond, t'as soit de la route, man. Depuis que je quitte, que je monte sur scène. ADN, pas de cash pour se produire nous-mêmes. On fait pousser des buds pour régler le problème. Y'a rien qui nous arrête, sinon ça ferait longtemps que ça serait fait. Ça a rien d'être trop rapide sur la gâchette. Ça fait un bout qu'on prépare notre disque en cachette. Plein que ça se cachette. Burn encore un autre bon texte que je te pique, ça ferait. Chier, c'est ce qui me motive. C'est de ça que j'aurais voulu vivre. Mais en vérité, c'est pas ça qui arrive. Sans faire d'illusion, j'écoute nos réalisations. Aujourd'hui, dans nos propres studios, j'suis fier de ce qu'on a fait, j'trouve qu'on est bon. Donnerai ma vie pour le hip-hop quand elle vient de Barbance. Put your hands up, fais ton bout de chemin. Comme on touche bien, Québec Southside, jamais j'oublierai tout bien. Rien à foutre des contraintes, faut que je rappe, je me sens bien sur une scène. C'est pas compliqué, ça m'enlève l'âne. Le mic des mains, ça devient une arme, c'est avec elle que je me déchaîne. ADN, man, on brise nos chaînes. Donne à 100%, y'a rien qui traîne. Faut que je rappe, tu sais, man, sur une scène. C'est pas compliqué, ça m'enlève l'âne. Le mic des mains, ça devient une arme, c'est avec elle que je me déchaîne. ADN, man, on brise nos chaînes. Chaque matin que je me lève, je vise le top. Je vois qu'il y a personne qui me bloque. J'ai ta son de rendre, je coupe one shot. J'ai l'impression qu'aller jusqu'au bout, c'est une obsession. À tout lancer, impossible de reculer, même s'il y a trop de pression. Trop de pression, c'est vrai, mais je suis capable de la supporter. Ceux qui pensent le contraire peuvent toujours aller chier. Ah, pis rien à foutre, je continuerai ma route. Quoi qu'il en coûte, ce que j'ai commencé, je vais le rendre jusqu'au bout. Rien à foutre des contraintes, faut que je rappe, je me sens bien sur une scène. C'est pas compliqué, ça m'enlève l'âne. Le mic des mains, ça devient une arme, c'est avec elle que je me déchaîne. ADN, man, on brise nos chaînes. Donne à 100%, y'a rien qui traîne. Faut que je rappe, tu sais, man, sur une scène. C'est pas compliqué, ça m'enlève. Le mic des mains, ça devient une arme, c'est avec elle que je me déchaîne. ADN, man, on brise nos chaînes. Chaque matin que je me lève, je vise le top. Chaque fois un autre défi, que la journée se termine, c'est mis sous accompli encore une fois de plus. Quand le jour se lève, c'est un autre défi. Puis quand ça se termine bien, la mission est accomplie. Chaque matin que je me lève, me dis fuck, tant qu'avoir fait cet effort-là. Je vise le top, accro du hip-hop, je crée une onde de choc. Fuck tout ce qui nous bloque, notre passion est forte, loin d'être morte. Je suis prêt à défoncer les portes. Rien à foutre des contraintes, faut que je rappe, je me sens bien sur une scène. C'est pas compliqué, ça m'enlève l'âne. Le mic des mains, ça devient une arme, c'est avec elle que je me déchaîne. ADN, man, on brise nos chaînes. Donne à 100%, y'a rien qui traîne. Faut que je rappe, tu sais, man, sur une scène. C'est pas compliqué, ça m'enlève l'âne. Le mic des mains, ça devient une arme, c'est avec elle que je me déchaîne. ADN, man, on brise nos chaînes. J'donnerai ma vie pour le hip-hop quand elle vient de Barbance. Put your hands up, fais ton bout de chemin. Comme on touche bien, Québec Southside, jamais j'oublierai d'où je viens. J'donnerai ma vie pour le hip-hop quand elle vient de Barbance. Put your hands up, fais ton bout de chemin. Comme on touche bien, Québec Southside, jamais j'oublierai d'où je viens. J'donnerai ma vie pour le hip-hop quand elle vient de Barbance. Put your hands up, fais ton bout de chemin. Comme on touche bien, Québec Southside, jamais j'oublierai d'où je viens.